une histoire particulière. En juin 1939, l'indifférent de Watteau disparaît du musée du Louvre. Un Watteau volé, ici, au Louvre? Quelle stupide plaisanterie! Hélas, la figure triste du gardien appariteur dans l'antichambre du directeur avant même qu'il n'eût parlé, confirmait bien la rumeur. Effectivement, on avait volé un Watteau au Louvre. En plein après-midi dominical, au milieu de nombreux visiteurs, un cambrioleur s'était introduit avec la foule. Profitant d'un moment d'inattention, il s'était emparé d'une exquise petite œuvre du maître et avait réussi à s'enfuir. Deux mois plus tard, le voleur se rend, expliquant qu'il a agi par amour pour le peintre. Ce week-end, Juliette Hilaire et François Teste vous racontent une autre histoire d'amour entre un homme et un tableau. Une toile de maître a été volée mardi soir au musée de Draguignan. C'est une œuvre de Rembrandt intitulée « L'enfant à la bulle de savon ». Le tableau est estimé à environ 20 millions de francs. Pour les enquêteurs du SRPJ, le tableau du XVIIe siècle de 60 cm de haut ne peut manifestement pas être présenté dans une salle de vente. Il pourrait avoir été l'objet d'une commande spécifique au malfaiteur par un riche collectionneur qui le gardera au secret. Un Rembrandt dans le placard, par Juliette Hilaire et François Teste. Aujourd'hui, cet obscur objet du désir. L'enfant, ça a été une attirance. On peut dire que la première fois, c'était vraiment une attirance. J'ai pas trouvé super beau. J'ai vu que l'enfant. En plus, sur la peinture, l'enfant doit avoir 12 ans. Et protégé par la bulle de savon, c'est le temps qui passe, qu'on n'a pas le temps d'en profiter. Elle est tellement belle, mais elle va disparaître. Mmh. C'est l'éphémère. Mmh. Donc l'enfance, je pense. Tout commence en 1983, lorsque Patrick Vialanex, âgé de 13 ans, se rend pour la première fois au musée des Beaux-Arts de Draguignan, dans le Var. Parmi les œuvres, un tableau le fascine. L'enfant à la bulle de savon, alors attribué à Rembrandt. Le petit Patrick Vialanex est sous le choc. L'enfant représenté avec ce sourire triste, c'est lui. Cette bulle tendue, une invitation. Instantanément, il tombe sous le charme de cette peinture qui scellera son destin pour plus de 30 ans. L'amour va croissant et vire à l'obsession. 15 ans plus tard, en 1999, il dérobe l'œuvre du maître flamand, estimée à plus de 20 millions de francs. Pour écrire son histoire, Sylvie Maton a rencontré cet homme consumé par sa passion jusqu'à sa mort en 2016. Elle nous raconte sa première rencontre avec lui. Moi, j'étais dans un état d'esprit qui était « c'est complètement dingue ce que vous avez fait, c'est fantastique, avoir tellement envie d'un tableau de Rembrandt que l'on va passer à l'acte, racontez-moi ». Et puis, on s'est installé donc dans sa maison. Il y avait sa femme, Christelle, ses deux enfants, la chienne adorable, quatre chats. Tout ça était très doux. Et il faisait beau. Et Patrick a commencé à me parler d'une opération qu'il avait subie. Et puis, il a commencé à me parler de son père, qui était violent, qui avait fait cette sale guerre. Enfin, on s'enfonçait petit à petit dans du glauque que je n'avais pas du tout envisagé. Et notamment, cette sale guerre de son père était la guerre d'Algérie. Son père était membre de l'OAS. Et son père fut un tyran domestique pour toute la famille. Ce qui abîme les enfants, ce qui abîme les adultes qu'ils deviendront. En tout cas, ce qui les fragilise, ce qui leur donne des obsessions, des tocs. Enfin, en tout cas, voilà, là, c'était le cas. Patrick Vialanex, interviewé en 2014. Mon père m'a fait vieillir plus vite, avec ses histoires, avec... On pense plus au jeu, on pense plus... Et puis mon père a été assez dur. J'avais une collection de jeux électroniques, une fois j'ai eu une mauvaise note, il les a tous cassés. Pourtant j'y tenais avec un coup de marteau, puis j'étais devant lui en larmes. Mais bon, il les a cassés. C'était très très très très dur. Sur le garçon. Sur les filles, c'était plus ma mère, mais sur le garçon, c'était lui. À chaque fois, Patrick, je m'en occupe, et toi, c'est les filles. Donc lui, c'était mon éducation. Donc après, mon père, ça a été tout. Je l'ai suivi. Quand il a été mal, j'ai été mal. Quand il a été bien, j'étais bien. En fait, je l'ai suivi ses humeurs. Est-ce que vous pourriez nous raconter la première rencontre entre Patrick via l'annexe et l'enfant à la bulle de savon ? Donc Patrick arrive dans ce musée de Draguignan pour la première fois, parce que cette famille n'est pas du tout habituée à avoir des sorties culturelles, entre guillemets. Et la mère, après un match de foot intrascolaire auquel Patrick a participé, l'emmène, donc lui propose de visiter le musée. Sans doute a-t-elle besoin, elle aussi, de prendre un peu l'air, de prendre un peu de temps, de ne pas rentrer tout de suite dans cette maison qui est souvent la maison de la torture, quoi, de la torture en tout cas psychanalytique. Donc il se retrouve dans ce musée et à un moment donné face à ce tableau, et la mère lui a dit « Mais regarde, il te ressemble ». Et en fait, il est vrai que l'enfant représenté lui ressemble. Et donc il s'est retrouvé en état de sidération et de fraternité ressentie, j'imagine. Ouais. C'est la place ça. Mozart par laquelle Patrick Jalanec voilà. Est sorti. Oui, oui. Régis Fabre, vous étiez donc directeur du musée au moment du vol. Là, on est donc devant le square, à l'endroit où est sorti Patrick Jalanec. Voilà, c'est ça. Et on rentrait par la rue de la République. Mais là, il y a eu une porte qui donnait sur le square Mozart. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de l'histoire de ce tableau ? D'où il venait, ce tableau ? L'origine du musée de Draguignan, comme beaucoup de musées en France, mais il faut quand même savoir que c'est, au point de vue musée de province, un des quatre premiers musées de province créés en France. En 1794, donc on peut dire au lendemain de la Révolution, il y a eu des confiscations révolutionnaires qui ont été effectuées un peu dans tous les départements français. Et ce tableau en particulier venait d'un grand château de l'Ancien Régime, qui était le château du comte de Valbel à Tourves. Et donc cet objet d'art, d'une provenance assez prestigieuse, est rentré dans la collection. Et vous, il vous faisait quelle impression, ce tableau, Régis Fabre ? Je trouvais que c'était une œuvre de qualité, digne de Rembrandt. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Dès la première rencontre entre Patrick et le tableau, Patrick Vialanex éprouve le vertige de sa propre image. Comment interprétez-vous ce phénomène ? On voit que sa mère adore Rembrandt. Ça, c'est limpide. Il va au foot et sa mère, après le foot, plutôt côté paternel, un peu militaire et compagnie, sa mère lui dit « on va au musée ». C'est très bien. Quelle mère ne dirait pas intelligemment à son enfant « on va au musée ». Mais quand même, elle est fan de peinture, elle est peintre elle-même. Hein, et donc, on a un peu l'impression que l'homme qui la passionne est plutôt un peintre et un Rembrandt hein, qu'autre chose. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, en l'emmenant voir l'enfant de Rembrandt, elle-même l'emmène voir le petit frère de ses rêves. Et elle lui dit « ce petit enfant te ressemble ». Et il reconnaît dans ce petit enfant un gosse un peu comme lui, en particulier triste. Entre la première rencontre où il a 13 ans et ses 28 ans, donc 15 ans s'écoulent, il va aller revoir le tableau à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il y retourne, je crois, deux fois. La seconde fois, il a 17 ans. Et donc, il se retrouve face au tableau. Et là, il s'aperçoit qu'il ne le regarde plus d'en bas, la tête levée, mais qu'il a grandi et il est même un peu plus grand. Son visage, ses yeux sont plus hauts que le visage de l'enfant du tableau, tel que le tableau est accroché sur le mur du musée. Il lui a parlé très tôt, il lui a parlé quelques jours après la première rencontre. C'est comme s'il s'était retrouvé avec un Jiminy Cricket sur l'épaule, donc en tournant légèrement la tête, il lui parlait, et puis il entendait ses réponses, bien évidemment. « Julie Cheminot, vous êtes maître de conférence en philosophie de l'art à la Sorbonne Université. Pour vous, qu'est-ce qui se passe quand Patrick Vianenex fait la première rencontre avec l'enfant ? Alors, ce qui est particulier avec Patrick Vialenex, c'est qu'il a rencontré ce tableau particulièrement jeune, hein, quand il avait 13 ans. Et au fur et à mesure des rencontres, il semble qu'il développe ce qu'on pourrait appeler donc le syndrome de Stendhal. Alors, le syndrome de Stendhal, c'est une expression qu'on a pu entendre. Hein, il s'agit d'un choc lié à l'art. Originellement, c'est la psychiatre et psychanalyste Graziella Magherini qui a écrit un ouvrage à ce propos en 1989. Le syndrome de Stendhal, en fait, est une crise psychotique. C'est-à-dire qu'il touche des voyageurs, en particulier à Florence, qui sont en fait tellement bouleversés par une œuvre d'art qu'ils vont tomber dans un état de crise psychotique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des hallucinations qui peuvent durer plusieurs jours. Donc les traits particuliers du syndrome de Stendhal, c'est que face à une œuvre d'art, on va avoir l'impression que cette œuvre est plus réelle que notre quotidien. On peut avoir l'impression de rentrer dans un tableau, on peut avoir l'impression que les personnages sont vivants, qu'ils nous parlent, qu'ils nous regardent. Et c'est dans une certaine mesure ce qu'il semble se passer pour Patrick Vialenex, qui voit vraiment cet enfant qui le regarde et qui devient vivant pour lui. Et le syndrome de Stendhal nous dit quelque chose de la force de l'art qu'on rêverait peut-être tous d'éprouver, d'avoir cette intensité de rencontre. La seconde visite, donc, c'était une visite sans la préparer au départ. J'allais pas pour le voir. J'allais pour la carte grise d'une moto, et comme c'était la préfecture, la sous-préfecture, donc j'y suis allé, mais il y avait énormément de monde, c'était l'ouverture. Donc là, j'ai fait, ben, qu'est-ce que je fais ? Pour moi, c'était, ben, je retourne au musée, voir. C'est le seul lieu que je connaissais à Draguignan, je crois. Et puis là, c'est là que j'ai vraiment accroché à l'enfant. Il n'avait pas changé. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée-là de dire, ouais, j'ai commencé à y penser. Il n'y avait qu'un gardien, il n'y avait pas de caméra. Il y a 17 ans, ouais, là j'ai aimé ce tableau, parce que j'essaie de le comprendre et rentrer dedans. La première fois, j'avais vu que l'enfant. Là, j'ai commencé à voir la main, la paille, la bulle, plus d'intérêt pour la bulle, encore cette bulle. Et je commence à penser à le vouloir, quoi. Je le veux. Ça avait servi de carte de vœux pour la mairie. Oui. Ça avait servi ça. Donc la carte de vœux de la mairie, c'était donc le Rembrandt. Oui, d'accord, mais oui. Il y a plusieurs années avant, évidemment. L'œuvre représente un enfant costumé comme à l'époque, hein, comme aimait les faire Rembrandt, c'est-à-dire avec des chaînes autour du cou. Enfin, et un béret de l'époque. Hein. Et l'enfant se trouve, évidemment, là, le tableau est assez sombre, on ne voit pas bien les détails, mais il est à une fenêtre, il vient de faire une bulle de savon, il y a la bulle de savon qu'il vient de réaliser qui est dans sa main, et dans l'autre main, il a la paille qui lui a permis de faire la bulle. Voilà. Et donc, la particularité, c'est qu'il regarde, l'enfant regarde le spectateur. Quoi, fier d'avoir fait une belle bulle de savon, comme c'était un jeu d'enfant de l'époque. C'était. Voilà. Je pense, en tout cas c'est mon hypothèse, que les œuvres qui provoquent le syndrome de Stendhal sont des œuvres qui sont faites pour nous faire sortir de nous-mêmes. C'est pas n'importe quelle œuvre d'art. Ce peut être des œuvres religieuses, des œuvres spirituelles, avec une idée d'ascension, une volonté que le fidèle, hein, que le spectateur se retrouve emporté. Et dans le cas de l'enfant, la bulle de savon de Rembrandt, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est évidemment la touche particulière de Rembrandt, qui donne une présence particulière, le jeu du clair-obscur aussi, hein, qui vient de Caravage. Caravage est vraiment un des un des artistes clés, un des artistes phares pour le syndrome de Stendhal. Et dans le cas particulièrement de l'enfant à la bulle de savon, il y a une sorte de niche dans laquelle est placé l'enfant. Et on a l'impression que l'enfant sort de ce cadre, et en particulier la bulle de savon avec la main, donc comme s'il a proposé au spectateur. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui est vraiment fait pour cette qualité de présence. Et pour dire quelque chose de véritablement très simple par rapport à ces œuvres qui provoquent le syndrome de Stendhal, je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'élémentaire, qui est que les artistes, ces artistes-là, cherchent à ce que leur œuvre paraisse véritablement présente et vivante. Et c'est quelque part ce que reçoit Patrick Vialanex. Il voit cet enfant comme étant vivant. Plus qu'une attirance, ça s'est devenu, parce que j'ai commencé à lui parler, je parlais plus à l'enfant, je racontais mes misères à l'enfant et je demandais des conseils au peintre. C'est compliqué, mais tu arrives à voir. Je parlais à l'enfant comme s'il était vivant, comme un copain, comme un ami, et à son père plus des conseils. Et là, l'attirance pour Rembrandt, ça a commencé. L'enfant, à chaque fois que j'en parle, c'est l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses si je fais ça? Et je commençais à entamer les discussions, mais non, si je fais ça, je peux pas le faire. Ah, mais toi, t'es qu'un enfant, tu vas pas savoir. Ça pouvait donner et aller loin. Il a été présent. L'enfant est gravé, donc pour moi, j'ai pas besoin de photos, de tableaux. Il est. Depuis le temps que je le connais, je l'ai en tête. Françoise Gorog, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du stade du miroir? Ah oui, ça certainement, parce que évidemment le stade du miroir, quand Lacan a écrit ça, c'est il y a bien longtemps. Lacan a pris ça d'abord dans des recherches, où on a vu chez les animaux, comme vous le savez, mon cher petit chat, quand elle est devant le miroir, elle ne sait pas que c'est elle. Quand c'est un enfant humain, quelqu'un dit « Oh, qu'il est beau, oh, mon petit !» Autrement dit, quelqu'un parle. Pour cela, évidemment, la parole d'un autre avec un grand kata, un autre qui parle, un autre qui représente le langage, est essentielle à l'être humain. Et c'est là quand même qu'il se met un petit peu à ressembler à quelque chose. Nous y sommes tous passés, mais de manière plus ou moins réussie. Probablement, Patrick n'a pas très bien réussi, parce que sinon, on ne voit pas pourquoi il recommencerait pendant des années à voir en face de lui quelqu'un dont il ne se reconnaît, mais qu'à condition que ce soit un double. Quelque chose qui n'a pas marché dans le langage, marche pour lui dans l'image. Mais l'image, c'est l'imaginaire, c'est un autre registre, mais c'est très important, et ça peut être une bonne façon de remplacer ce qui pourrait marcher avec les lois du langage. Qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une relation amoureuse? Alors, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On pourrait même parler, pour rester avec Stendhal, de cristallisation par rapport à ce personnage. Voilà, un amour, une rencontre singulière, bon, très étrangement, évidemment, pour parler d'un tableau, mais entre deux individus. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Il semble que ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à des personnes qui seraient particulièrement sensibles. D'après Graziella Magherini, des gens plutôt jeunes, des femmes aussi. Bon, ça, c'est tous les préjugés qu'il peut y avoir sur les personnes qui sont plus sensibles. Mais c'est surtout des personnes qui ont une certaine sensibilité, qui sont souvent des amateurs, hein, sinon ils ne s'intéresseraient pas, ils ne se mettraient pas dans cet état de disponibilité, disons. Ce sont donc plutôt des amateurs, pas des experts. Des personnes qui connaissent particulièrement l'art, risque quelque part d'arriver avec trop de cadres intellectuels, trop de connaissances pour réussir à éprouver, à se laisser porter par cette expérience. Et c'est aussi quelque chose qui ne se cherche pas. C'est quelque chose qui tombe dessus. Donc peut-être que là, on pourrait penser, si je vais assez loin hein, dans cette logique-là, que quelqu'un qui est trop expert, finalement, perd quelque chose de l'art. Perd ce côté sensible et émotif qu'il peut y avoir. Patrick Vialanex, face au tableau, Françoise Gorog éprouve des sensations vertigineuses. Il a le souffle haletant, il a des suées, des spasmes. Comment comprendre ces manifestations sensorielles? Ce sont des manifestations que je crois qu'ils sont un petit peu connues comme des moments de jouissance. Qu'il n'y a pas besoin d'être dingue pour connaître ce genre de sensations. Ça s'appelle la jouissance, qui peut être sexuelle, mais pas seulement, qui peut être causée par le regard. Et évidemment, c'est pas par hasard quand même qu'on se rencontre, qu'on se trouve semblable avec un enfant à la bulle. C'est-à-dire, vous savez bien que la bulle incarne ce qui va péter un jour et ce qui est éphémère. Je pourrais vous faire la blague sur éphémère, mais c'est souvent comme ça quand même. Donc, elle lui dit, il te ressemble, l'enfant à la bulle. Et donc, on comprend quand même que ça lui fasse beaucoup de raisons. D'ailleurs, il l'enveloppera après dans de la bulle, le tableau, quand il l'aura volé, par exemple. Et lui-même s'enferme, comme vous l'avez très bien remarqué, s'enferme dans des sortes de bulles, dont une des bulles, parfois, peut être une armoire. Alors, on pourrait en rajouter sur savon, parce qu'on peut dire que c'est un type qui s'est fait savonner par son père. Ce père, qui est autoritaire, un genre de parangon de la force, de la justice, que sais-je, mais qui n'a pas incarné ça. C'est clair que ça manque de nomination. Alors on pourrait dire, le père n'a pas bien réussi à être le père qui le nomme. Il n'est pas bien nommé, ce gosse. D'ailleurs, lui-même, il va avoir un fils, il l'appelle Romain. Ça ne s'invente pas quand même. Celui qui est accusé de vol, il a un gosse, comment il l'appelle? Robin. Ça, quand même, c'est une transmission paternelle de la puissance masculine, phallique, qui n'est pas forcément, bien sûr, que masculine, mais en l'occurrence, c'est ça, par le voleur. Mais pas n'importe quel voleur. Un voleur formidable, comme lui, un voleur formidable qui vole les riches pour les pauvres. Mais quand même, il transmet à son fils, tu vas être un voleur formidable, mais un bon type, pas un salaud. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Peu de temps avant de le voler, l'enfant lui parle, il lui dit « viens me chercher ». Il est très fort en alarme parce qu'il a travaillé dans une société d'alarme. Donc il a pu faire des repérages en tant qu'expert. Et quand il se rend compte qu'il peut voler le tableau, que c'est facile, c'est un petit peu rendre justice au tableau qui est si mal protégé à ce moment-là dans le musée. Donc c'est ça les raisons qu'il se donne, c'est de protéger le tableau tout de suite. Et une envie irrépressible. Il lui est arrivé des malheurs, il a vécu des choses difficiles. Le tyran domestique, donc son père est mort, dans des circonstances violentes. Enfin, toute sa vie est quand même jalonnée jusqu'à là, de violence. Et c'est vrai que d'ailleurs que le vol de tableau va totalement transformer sa vie. Et le transformer pendant en tout cas un bon moment. Comment est-ce qu'il se prépare à ce vol ? Alors, il se prépare drôlement bien, parce qu'il a fait des trucs super malins. Par exemple, il est allé s'acheter une paire de chaussures plus grande que sa pointure. Donc ça, je trouve ça très drôle. Ça se passe quand même dans la nuit du 13 au 14 juillet, lorsqu'il y a le défilé donc du 14 juillet, très bruyant. Et il a appelé le syndicat d'initiative pour savoir à quelle heure allaient passer les hélicoptères. Donc c'est à ce moment-là qu'il décroche le tableau. Donc il se prépare vraiment bien, quoi. C'est un peu Mélodie en sous-sol. Et puis il va quand même rester 5 heures enfermé dans une armoire, dans un espace très réduit. En fait, c'est comme si toutes ces années qui ont précédé ce moment-là, comme si c'était préparé à ce vol, puisque finalement, pour rester 5 heures d'affilée enfermé dans cette armoire, ce sont toutes ces heures enfermées dans un placard ou dans la niche du chien qui l'ont préparé physiquement et mentalement à pouvoir supporter ça, malgré les 2 pintes de bière qu'il a bu auparavant. Voilà, donc il a une petite pochette également dans laquelle il a placé une torche, un paquet de cigarettes, une plaquette de Xanax, parce que il connaît très très bien toutes les drogues médicamenteuses, donc là il a un Xanax pour justement se calmer de cette fébrilité. Voici une reproduction de l'enfant à la bulle de savon peint par Rembrandt qui a été dérobée. C'est mardi soir, en plein défilé militaire, que le ou les voleurs ont choisi d'opérer. Profitant du bruit et de toute l'attention de la population pour la fête nationale de Draguignan, ils ont pénétré dans le musée et la bibliothèque municipale à quelques mètres de là. Ce jour-là, j'ai assisté au défilé. Et après, avec mon épouse, nous sommes allés à la garden party. Le sous-préfet, traditionnellement, invite les autorités militaires, enfin civiles, à un cocktail qui se déroule dans le jardin de la sous-préfecture. Et moi, c'est vers 21h30, par là, il y a un policier municipal que j'ai rencontré à ce cocktail. Là. Il vient vers moi, il me dit, Il y a eu un vol au musée et tout. Alors moi, j'ai cru qu'il plaisantait, quoi. Et puis, bon, quand effectivement, il a donné des détails et tout, en disant apparemment, ils n'ont rien pris, mais il y a eu une infraction, quoi. Alors, le maire qui était de l'époque, qui était donc à ce cocktail aussi, on est tous venus sur place voir, et effectivement, on a trouvé l'emplacement du Rembrandt vide. C'était quand même une des pièces maîtresses du musée. Il restait que l'étiquette. Vous, ça vous a marqué dans votre... Ah oui, oui, énormément. Ouais. Parce que, bon, c'était inattendu, évidemment, pour moi. J'avais une carrière relativement calme. Et là, c'était un coup d'éclat médiatique important et inattendu, quoi. Bon, j'étais effondré. Dans la journée, les complices avaient pu retirer des crochets de sécurité d'une porte à l'arrière des bâtiments. Dès lors, en fracturant un deuxième passage, le vol du tableau était facile. Les alarmes ont eu beau se déclencher. Les policiers, arrivés 5 minutes après, n'ont pu que constater la place vide de la toile. Une toile apparemment estimée à un prix très élevé. Il part de chez lui en voiture, il se gare au parking, il va vers le musée, il a tout préparé dans sa petite banane, il a tout ce qu'il faut. Ensuite, il fait le tour, il entre dans le musée, il a besoin de se calmer un petit peu, il va à la bibliothèque, il regarde des livres sur le 17e hollandais, et puis il descend dans le musée. Et là, il y a cette armoire dans laquelle il a prévu de s'installer, si elle s'ouvre bien, ce qu'il espère sans en avoir fait le repérage, si elle n'est pas remplie de livres, de documents ou de je ne sais quoi. Elle s'ouvre facilement, il n'y a rien à l'intérieur, l'armoire l'attendait. Donc il s'installe dans l'armoire et il va rester là, je ne sais plus, 5-6 heures. Une fois que le musée est fermé, qu'il a fermé les portes, là Patrick peut sortir de l'armoire et là il compte les pas, il arrive devant le tableau et puis à un moment donné, il tire dessus très fort, le tableau se détache des chaînes qui le maintiennent, donc effectivement c'est pas une grosse sécurité comme il peut y avoir dans les musées en général. Le tableau cède et il part avec, donc par le chemin prévu, par l'arrière. Il n'oublie pas d'emporter un magnum d'eau, car il avait découvert un magnum vide dans lequel il avait pu uriner, donc il ne laisse pas son urine. Il part avec son magnum jaune et le tableau enfermé dans un sac noir. Il monte dans sa voiture, il rentre chez lui en voiture, il est à 10 minutes en voiture et il va croiser en chemin une voiture avec des gyrophares. Il sait que c'est la police qui a été appelée, mais lui, ça y est, il est parti, il rentre chez lui et c'est le premier soir avec le tableau. C'était Un Rembrandt dans le placard, avec Sylvie Maton, auteure, Julie Cheminot, maître de conférence en philosophie à la Sorbonne Université, Françoise Gorogue, psychiatre et psychanalyste, Régis Fabre, ancien directeur du musée des Beaux-Arts de Draguignan, entretien avec Patrick Vialanex, réalisé par Sylvie Maton, archivina Manuela Dubessy, coordination Christine Bernard, un documentaire de Juliette Hilaire et François Teste. Vous retrouverez l'enfant à la bulle de savon demain à 13h30, mais pour l'instant, à 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.